Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Moi, ma retraite, je vais la passer sur le fleuve. La grand voile sortie, je vais profiter du son des vagues, de l'air du large. Et découvrir la rivière, parce qu'on aura enfin le temps de pagayer, chacun sur notre kayak. Ce que je veux, dans le fond, c'est juste d'aller au lac, sortir la chaloupe, peut-être même taquiner la truite de temps en temps. Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr, avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre REER. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1-800-463-5229. Le Radioton de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif 40 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. La musique noire. Le 26 février à midi, afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs, Midi Jazz propose une rencontre entre Webster et Gilles Chaumel. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio dédié aux arts visuels à Québec. J'entends la France à l'animation pour cette édition du 23 février. Aujourd'hui, je vais recevoir Bruno Bouchard, membre du théâtre Rude Ingénierie, qui vient nous parler de Venise, qui va être présentée en clôture du mois multi. Julien Saint-Georges nous propose une chronique à propos de l'exposition « Élargir son territoire » de l'artiste Carl Bouchard qui est présenté à l'Œil de Poisson. Pour la deuxième demi-heure, la chroniqueuse Annie Charland-Thibaudeau s'entretient avec Ludovic Bonnet au sujet de l'exposition « Profilage et protocole » qui est présentée à Regard. Enfin, Andréane Lesage pose un regard sur l'exposition Gaspésie Humanless, composée de photographies de Guillaume Dessire et de Yana Ouellette, qui est présentée à la galerie Michel Guimond. Mais tout d'abord, voyons ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels dans la ville de Québec. Donc, tout d'abord, 1, 2, 3, go, Limoilou est une initiative de médiation culturelle et ils nous ont annoncé la semaine dernière que José Landry-Sirois et Jeanne Couture ont été sélectionnés pour la réalisation de 3 installations qui vont mettre en vedette 6 émotions vécues par les jeunes de 0 à 5 ans et leurs parents, dont la joie, la colère, le dégoût, la peur, la tristesse et l'émerveillement. Donc, ce projet intitulé « Un quartier riche en émotions » a pour objectif, nous dit-on, de contribuer à amorcer une réflexion et un dialogue entre enfants, parents et citoyens au sujet des émotions. Donc, c'est un projet qui va permettre de mettre en évidence la diversité des émotions qui est vécue par les enfants et leurs parents. Et donc, dans la veine de la démarche de José Landry-Sirois, c'est sur l'accumulation de souvenirs et d'objets magiques que les installations vont être créées. Et les installations vont circuler dans 3 secteurs de Limoilou, dont le Vieux-Limoilou, les Rais et Mézerais, cet été de mai à octobre. Donc, félicitations à José Landry-Sirois et Jeanne Couture pour ce beau projet de médiation culturelle. toujours dans les arts visuels. Donc, la Ville de Québec a annoncé qu'elle offrait à la Ville de Montréal pour son 375e anniversaire une œuvre de Jean-Robert Drouillard. Donc, cette œuvre intitulée « Le contour des conifères dans la nuit bleue, les étoiles derrière ma tête sont des yeux » sera installée dans le futur parc Ville de Québec. Donc, une œuvre qui va comporter 4 colonnes d'aluminium composées d'éléments végétaux et d'animal boréaux. Oui, d'un animal boréal et d'un élément végétal à chaque colonne, donc qui rend hommage à la complicité entre Québec et Montréal, a souligné Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l'aménagement du territoire à la Ville de Québec. Ensuite, La coopérative Méduse coordonne un projet de médiation culturelle, encore une fois, mais cette fois-ci pour les adolescents. Donc, un projet qui s'intitule « Connexion, déconnexion » pour les adolescents de 13 à 17 ans, qui va permettre, donc, dans chaque arrondissement, il y a des jeunes qui vont participer à des ateliers d'initiation artistique en compagnie de 6 créateurs chevronnés dans des disciplines variées que sont la danse, le dessin, la vidéo et la technologie numérique afin de connecter 6 arrondissements de la Ville de Québec. Donc, si vous désirez participer, vous pouvez aller vous informer sur le Facebook de Méduse, donc pour les jeunes les adolescents. Et enfin, une nouvelle politique de la culture est annoncée pour 2017. Donc, la ministre de la Culture, Madame David, a annoncé la semaine dernière qu'un chantier sur le renouvellement de la politique culturelle va être lancé. Donc, une vaste consultation publique va être menée dans toutes les régions. Et on a appris hier que Madame David va être remplacée par Monsieur Louis, pardon, je suis un peu perdue dans mes notes. Donc, Monsieur Luc Fortin, à la culture et aux communications. Donc, un remaniement ministériel qui a été causé par le départ en congé de maladie de Pierre Moreau, qui est ministre à l'Éducation. Monsieur Luc Fortin va probablement continuer ce chantier en vue de la nouvelle politique de la culture. On se laisse sur un extrait qui nous prépare à l'entrevue avec Bruno Bouchard. Donc, un extrait du spectacle Venise qui va avoir lieu au Mois Multi ce samedi le 27 février. Alors, de retour à l'aérospatiale. Bonsoir, Bruno Bouchard. Allô. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Donc, je t'ai invité à l'émission ce soir en tant que membre du théâtre Rude Ingénierie. Oui. Donc, qui est une compagnie de théâtre pas vraiment comme les autres. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment une compagnie de théâtre? C'est comme une espèce de collectif avec un trio comme noyau dur? Oui, absolument. Il y a le mot théâtre avec toutes ses interrogations est ici évoqué probablement. On est une compagnie d'art multidisciplinaire. Mais disons que pour moi ou pour nous, le théâtre est cette... est très multidisciplinaire, cet endroit où les disciplines viennent dialoguer. Donc, au sens large, un théâtre des choses et des disciplines serait peut-être ce qu'on pratique, ouais. Donc, pour être plus précis encore, oui. C'est qu'en fait, tu mets pas nécessairement l'acteur au centre. J'essaie de qu'on risait, qui met pas nécessairement l'acteur au centre de ce théâtre-là. Donc, ça peut être un théâtre sans acteur, ça peut être un théâtre d'objets mécaniques, mm-hmm. Rencontre entre la vidéo, le son, bon, beaucoup de mélange entre technologie, art brut, art populaire, mais de la recherche aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Absolument. Donc, un trio composé de Philippe Lessard-Drolet, Pascal Robitaille et toi-même. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à fonder ce collectif-là? Qu'est-ce qui vous rassemble? En quoi vous êtes complémentaires? On s'est rencontrés dans une recherche de théâtre d'ingénierie qui s'appelait comme ça, mais qui n'était pas encore une compagnie il y a une dizaine d'années. Je pense qu'il y a une fascination qu'on partage pour la transformation de l'objet, entre autres. Donc, une démarche assez... qui plus des arts visuels, mais mis en scène Pascal qui faisait beaucoup de musique avec des objets transformés pour des pièces de théâtre. Moi avec l'Orchestre des Orchestres aussi, beaucoup ce travail-là d'objets transformés à la fois pour les sonorités et le visuel. Avec Philippe de longue date aussi, on a travaillé Philippe qui était dans l'Orchestre des Orchestres au départ aussi, on a travaillé une conception de la musique qui était fait beaucoup avec des objets. Et tranquillement, on a mélangé des technologies à ça, de filmer en gros plan ce que les objets vont faire en petit, ainsi de suite. Donc, ça part autour de l'objet et aussi ce plaisir-là du bricolage et de l'ingénierie en même temps. Donc, d'où le nom de la compagnie Rue d'ingénierie. On va souvent travailler avec des matériaux récupérés, mais constitués de manière à générer une poésie de l'ingénierie, si on veut. D'accord. Donc, une espèce de d'univers de bricolage ingénieux. Oui. Ouais. Vous allez présenter dans le cadre... en clôture du mois multi, c'est une performance qui s'intitule Méduse. Non, qui s'intitule Venise. Pardon. Méduse, oui. C'est l'endroit où on joue. Pardon. Donc, une performance qui s'intitule Venise. Donc, qui est construite autour de différents instruments de musique automates bricolés. Donc, on a un robot percussionniste, je crois, des moteurs synthétiseur. Après avoir écouté l'extrait, j'imagine qu'il y a une très, très grande variété d'objets qui vont se transformer en instruments de musique d'un soir. Est-ce que tu peux nous dire comment se fait le processus de création? Est-ce que c'est vraiment une composition ou il y a beaucoup d'improvisation dans ce spectacle-là? Ce spectacle-là est le plus musical de ce qu'on a fait. Pour les gens qui nous ont peut-être suivis ou moins suivis, on a pu nous reconnaître pour ce qu'on a fait cet été au parcours de théâtre avec l'Orchestre des Orchestres, une station qui s'appelait Les Palais, dans le parcours où tu vas quand tu dors en marchant. Un truc beaucoup plus vidéo, beaucoup d'instruments, beaucoup de situations. Dans ce cas-ci, on va beaucoup plus sur la structure d'un spectacle de musique. On va vraiment enchaîner des pièces. C'est des pièces qu'on a écrites, c'est des musiques originales, c'est 2 heures de répertoire original, construites autour d'un robot automate, comme tu le dis. Donc, il n'y aura pas plusieurs features. Il va en avoir un avec lequel on construit ces musiques-là. Il va en avoir deux, en fait. Il va y avoir ce robot-là, ce drummer mécanique à 8, il y en a 6 bras. Tentaculaire. Ouais, exactement. Qui sert en fait de beatbox. C'est toujours un peu cette démarche-là de garder concrète pour les yeux la musique. Donc, au lieu d'avoir un beatbox sur lequel on fait play, qui fait des trucs, on s'est compliqué la vie. C'est vraiment une des règles numéro un. On s'est compliqué la vie pour avoir ce drum automate-là qui joue devant nous et qui structure nos musiques. Des musiques qui vont passer de l'électronique qui va se promener par plusieurs influences de musique de danse, musique de fête. Donc, c'est un peu une étude, en ce qui nous concerne, c'est un peu une étude de genre. Mais c'était aussi le but de sortir peut-être de son cadre de communauté multi, une démarche multi, puis de l'amener dans une forme un petit peu plus populaire, un petit peu plus de party. Donc, ça, c'était clairement la démarche encourue. Et ce qui fonctionne, on fait le party de fermeture. Du mot multi, tout concorde. Une musique dansante. Une musique dansante, du moins une musique stimulante, certainement. Ouais. Puis le synthétiseur, voilà, c'est des petits moteurs dont on a accordé chacun des mouvements pour qu'ils puissent jouer des notes. Mais donc le son qu'on entend, qui a l'air d'un son de synthétiseur, est en fait le son du moteur lui-même. On en a 4 et il nous permet de jouer en harmonie, en accord. Donc c'est. Et on l'a transformé pour qu'on puisse accéder à son mouvement avec des, je dirais, des marionnettes, des protubérances qui déploient le mouvement du moteur. Donc, c'est est-ce que c'est ce qu'on entend dans l'extrait qui ressemble un peu à un son MIDI? Oui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est lui, ça. Donc, c'est tout assez... l'inverse d'un son MIDI. Oui, c'est oui, tout à fait, mais en entendant l'extrait, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que ça ressemble à un son MIDI, mais c'est une musique qui est là pour être vue. Hein. Quand même, il y a aussi un environnement vidéo qu'on est en train d'explorer là-dedans. Éventuellement, il y aurait, pour ceux qui ont vu au Mont Multi, notre Coney Island, il y a 2 ans, il y a un travail vidéo à intégrer dans les machines éventuellement. C'est un processus qui fait son chemin au fil des performances. On va avoir une proposition vidéo cette fois-ci qui va être nouvelle et qui sera sans doute pas la dernière dans ce spectacle-là. Donc, c'était l'objet de ma prochaine question parce que ce spectacle-là, Venise, vous l'avez présenté l'an dernier à la Biennale de Venise pour une première, je crois. Exactement, c'est une création. Oui, donc c'était un spectacle qui était proposé pour inaugurer l'exposition, l'installation Canadissimo de BGL. Exact. Vous l'avez présenté à Montréal aussi. Oui, dans le cadre du FNC. C'est un work in progress en bon français. Donc, vous ajoutez, vous bonifiez la proposition à chaque présentation? Définitivement, puis c'est un travail qui... c'est vraiment un travail happening, un travail de terrain. C'est pas un événement qu'on va vouloir avec une écriture finie, comme un petit peu plus dans un contexte théâtral ou de danse ou de représentation ou même de sculpture. Quand on va aller plus du côté de l'installation, on va vouloir terminer quelque chose. Ce projet-là est vraiment un projet dont les musiques vont changer. C'est des instruments, en fait, avec lesquels on va étudier un vocabulaire, une présence. Donc, c'est des recherches qui sont longues à développer. C'est pas un truc que tu peux imaginer, conceptualiser à table, puis avoir compris avant qu'il existe. Donc, c'est vraiment lors des événements qu'on tire des réflexions, retourne à l'atelier pour ensuite retourner à un autre événement. Ce qui est très chouette parce que nous, ça garde en vie. Pour le public, ça garde en vie l'événement aussi. Ça donne un goût d'y retourner. Donc, moi, c'est une démarche que j'aime beaucoup, en fait. Un espèce d'atelier vivant, ouvert avec le public. J'adore ça. Donc, Venise qui va être présentée samedi soir. Et demain débute également une série de représentations du spectacle Entre, également présenté par Rue d'Ingénierie. Peux-tu nous glisser un mot sur ce spectacle-là qui va avoir lieu demain? Oui, absolument. J'ai envie de finir sur Venise d'une manière en disant qu'il y a quand même beaucoup d'instruments traditionnels avec tout ça, traditionnels, basse, guitare, je veux dire, il y a une composition, beaucoup d'autres synthétiseurs, beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est juste pour donner une image un peu aux gens. C'est pas juste un robot qui joue puis nous autour. Non, il y a des musiciens qui sont invités. Il y a un band, voilà, on est 6-7 sur scène. Un DJ aussi, je crois. Il y a des DJ pendant la soirée, c'est un party en bonne et due forme. Voilà. Festif. Exactement. Festif. Oui, le spectacle Entre... sur lequel je travaille en ce moment même. On retourne en pré-général ce soir. Spectacle de danse avec Théâtre d'ingénierie, direction artistique cette fois-ci, plus de Philippe Lessard de Relais. Donc, dans Théâtre d'ingénierie, on se partage un peu, on est des projets de tous. Donc, si quelqu'un a un projet, on est dans son projet, on embarque avec lui, on va l'aider à développer son idée. Donc, cette fois-ci, moi, je faisais la co-direction artistique, je faisais l'accompagnement du projet à Philippe Lessard de Relais, en compagnie de 2 danseurs, Josiane Bernier, Fabien Piché, avec qui on a développé ce projet-là qui tourne autour d'une matrice d'éclairage qui répond à des caméras un peu partout sur la scène. Donc, les danseurs vont créer leur propre éclairage. Ce serait la prémisse. Ensuite, on s'est pas arrêté à un simple étude de forme. Donc, une dramaturgie dans tout ça, quelque chose autour de Entre. Vous aurez compris ces 2 individus, tout ce qui peut y avoir entre. Ce serait peut-être un peu l'inspiration, la source. Ensuite... Entre l'être humain et la lumière. Aussi. Entre tout ce que tu veux, hein. Je pense qu'on n'est pas, on fera pas un théâtre de récit très arrêté. Hein. Ça va rester une signature. On va avoir quand même une écriture assez ouverte, mais et de par la danse, c'est une première rencontre officielle avec la danse. On a fait plusieurs études, mais c'est une première rencontre publique avec la danse. Puis c'est une belle relation. Travailler avec les machines, c'est toujours compliqué parce qu'elles te surprennent, elles t'apprennent un langage que t'avais pas prévu, tout ça. Et donc, de faire rencontrer un langage aussi humain que la danse avec la machine, ça a été une très belle aventure qui se conclut à merveille, je crois. On est très heureux du résultat. Donc, à partir de demain soir, à la salle multi, à 20h, je crois. Il faudrait, je vérifie, bon, c'est pas moi la programmation. Qui possède cette information. Donc, vous pouvez aller voir sur la programmation du mois multi. Alors, merci beaucoup, Bruno Bouchard, pour être venu passer quelques temps avec nous à l'émission. Ça fait très plaisir. On passe une belle soirée. Le cadre de la danse ou du party. Oui. Bonne générale. Merci beaucoup. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai avec moi en studio Julien Saint-Georges. Salut. Allô, Jean-Tiane. Ça va bien? Ça va, toi? Oui. Alors, tu nous as proposé une chronique sur l'exposition « Élargir son territoire » qui est de Karl Bouchard, présentée à l'Œil de Poisson. Exactement. Oui, ça, c'est dans la Grande Galerie de l'Œil. C'est une expo, dans le fond, ça fait 10 ans que Karl Bouchard n'était pas venu à Québec, dans le fond. Puis ça, c'est vraiment... c'est ça, son projet de retour, on pourrait dire. Puis, comme dans le fond, il habite la Grande Galerie, puis ça, on dirait que ça fait 10 ans, puis on dirait que là, il voulait comme compenser peut-être avec le fait que ça faisait longtemps qu'il était venu, parce que il y a beaucoup de stocks. C'est vraiment comme une expo qui occupe très, très bien la galerie, je trouvais, là, qui la laisse pas vide du tout. Beaucoup d'œuvres au sol. Oui, vraiment, c'est ça. Il y a comme un petit sentier quasiment qui se crée autour... Oui, on le voit avec les traces de pas, hein, c'est l'hiver, on voit les traces laissées par le calcium au sol, puis on voit un peu justement le parcours des visiteurs autour de ces œuvres-là. Donc, beaucoup de matériaux naturels. Oui, un mélange, hein, c'est ça, de naturel, puis métal, il y a de la vidéo, il y a de la photo... dans le fond, on sent... Moi, je sais pas pour toi, j'avais pas lu la description de l'expo avant de rentrer. Non, moi aussi, j'aime ça me faire surprendre. Ah, c'est ça, hein, tu sais. Puis là, je regardais l'expo, puis on dirait que là, ça m'a fait penser justement, tu sais, aux Premières Nations, à la tradition d'automne. On sent vraiment l'amérindianité. Quand on entre, on sent vraiment le... On rentre dans un... Mais puis il y a cette question-là du territoire qui est très cher aux Autochtones. Donc, c'est tout de suite, ça fait écho avec le titre. Oui, ah oui, vraiment. Puis moi, là, après, justement, là, je suis allé voir comme la description de l'expo. Puis, donc, il parle, c'est ça, tu sais, élargir le territoire, ça peut aussi être envahir, posséder, déposséder, assimiler, coloniser aussi. Donc, il parle des Premières Nations, mais tu sais, très légèrement, mais en même temps, quand on prend ces mots-là individuellement, on sent vraiment comme que ça revient à ça. C'est quelque chose, une sorte d'agressivité d'élargir son territoire, dans le fond. Oui, puis c'est vraiment la thématique qui vient lier toutes ces œuvres-là, parce qu'il y a quelque chose de très hétéroclite aussi dans cet ensemble d'œuvres que Karl Bouchard propose. Ah oui, là, tu sais, on part, admettons, on a justement des espèces d'ailes de papillon en bois. On a une espèce de... C'est difficile à nommer. C'est, dans le fond, c'est des boules de verre qui sont reliées par des sangles de cuir, admettons, sur le sol, laissées dans le coin au fond, à droite. Une espèce d'homme aussi qui a été découpé dans le métal, qui est suspendu au-dessus d'un cercle de pierre, dans le fond. Donc c'est ça, puis il y a de la vidéo aussi et de la photo comme je le disais, puis donc c'est ça, ça se mélange bien, mais tranquillement, tu sais, juste en pensant à ça, tout se relie finalement, puis faire sens dans le sens de comment je dirais, c'est ça, c'est comme, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose de dépossédé, tu sais, on dirait que les objets ont pu leur la notion qu'il y avait, ou en tout cas le sens qu'il y avait, en fait. Puis j'ai lu justement dans la description qui parlait aussi, en tout cas dans la description, il parlait d'un rapport aussi à certains objets sexuels, des affaires comme ça. Puis on sent des fois que ça vient, notamment dans la photo, des fois il y a quand même quelqu'un qui tient le marteau, une espèce de marteau, on dirait comme une arme, mais en même temps, on sent peut-être que ça pourrait peut-être être un gars de Michel en même temps. Tu sais, les boules, les verres, justement, les boules de verre, on dirait peut-être des boules chinoises aussi en même temps. Mais, tu sais, on fait juste des petits liens, en fait, puis tout d'un coup, tout se mélange, puis ça, c'est ça. Ça fait comme un espèce de territoire, justement. Oui. Un peu avec toutes les possibilités. Puis un coin salon aussi, oui, avec des petits meubles de surface de verre, avec des petits objets sculptés, déposés. Donc, il y a toute une mise en espace de ces œuvres-là qui est quand même assez impressionnante. Et puis, il y a ces panneaux de bois avec des fleurs également peintes dessus. Donc, on est dans le monde de la forêt boréale. C'est ça. Ouais, qu'on le met dans le quotidien. T'sais, on dirait qu'il y a un mélange des deux. On essaie de rentrer dans un nouveau, c'est un nouveau quotidien un petit peu. Le vidéo, est-ce que tu l'as regardé un peu? Oui, ou... un peu. Ah. Ben, en fait, c'est ça, c'est un poisson rouge dans un bocal. Oui, oui, c'est ça. Avec, on voit le torse de quelqu'un avec le poisson rouge, le bocal de poisson rouge qui est déposé sur ses cuisses. Mm-hmm. Et cette personne-là insère des aiguilles à tricoter. C'est ça. Ouais. Petit à petit. Et ça crée une espèce de prison pour ce poisson-là qui se ramasse un peu isolé dans un coin du bocal parce que les baguettes l'empêchent de passer de l'autre côté. Ouais, tu le vois paniquer un peu, puis tu te sens que toi-même tu paniques en le regardant, tu fais mon Dieu. Moi j'avais l'impression qu'il voulait. Mais tu le sens que c'est un hasard, dans le sens que t'as pas l'impression qu'il regarde quand il plante les aiguilles dans le bol le bol d'eau. Mais on dirait qu'il y a aussi un peu l'impression, est-ce qu'il va l'empaler, t'sais? Est-ce qu'il va comme l'attaquer finalement par hasard un petit peu? Fait que je trouve ça intéressant. La vidéo est comme clôture bien, je trouve. En tout cas, moi, j'ai fini par la vidéo, puis on dirait que ça expliquait encore mieux, justement, t'sais, de que, t'sais, comme déposséder, admettons, les Premières Nations de leur territoire, les francophones, ou en tout cas, t'sais, ceux qui venaient, les Européens, ils voulaient pas nécessairement les déposséder tout de suite, ils voulaient les aider, ils voulaient, tu sais, il y avait comme un peu une notion de hasard, ou en tout cas, mais finalement, le résultat, c'est qu'il y a vraiment comme une dépossession, tu sais. Oui. C'est ça, c'est que la notion européenne, c'est que le territoire appartient à l'être humain, alors que la notion amérindienne, c'est que l'être humain appartient au territoire. Donc, ouais, c'est des conceptions qui sont différentes, qui sont venues, qui se sont rencontrées et qui ont créé un choc de culture là, au début. C'est ça. Et on sent qu'il veut représenter ça, Bouchard, en fait, par ses objets, par ses différents objets. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé l'espèce d'homme spirale, tu sais, comme que les... c'est ça, il était en métal, dans le fond, il était découpé. Je trouve que, juste là, techniquement, là, cette pièce-là est super bien faite. C'est-à-dire qu'on... Le contour... Il est suspendu dans une espèce d'installation Tipeee. Ouais, c'est ça. Puis il est même suspendu, c'est une croix, dans le fond, qu'il suspend au-dessus. Fait que là, on peut même faire... voir aussi un certain symbole, tu sais, de l'Église. Et de ce rituel de suspension également chez certaines communautés des Premières Nations où les un rituel de passage, je crois, à l'adolescence, où les adolescents se font suspendre. Vois, j'avais pas pensé à ça, mais c'est par clair. Des espèces de piercing dans le dos. Donc, il y a tout un jeu comme ça de symbolique entre de ces différents univers des différentes communautés des Premières Nations qui est abordé dans le travail de Carl Bouchard. C'est ça, c'est dans le fond, c'est que la symbolique, on la voit qui revient, qui, tu sais, elle est pas comment je dirais, elle est pas mise à l'avant-plan comme de manière directe. Non, il y a une ambiguïté. C'est ça, tu sais, c'est subtil, puis c'est à force de parcourir l'espace que là toutes les symboliques se développent. Fait que pour ça que j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que justement ça c'est comme la subtilité alliée en même temps avec la clarté. Je trouve que tu sais puis comme tu disais, un peu d'ambiguïté tout de même. Fait que c'est, faut juste se laisser comme submerger un peu par tous les symboles, puis finalement on fait des liens, on n'arrête pas d'en faire. Fait que c'est pour ça que l'expo était aussi bonne. Oui. Donc, merci beaucoup, Julien Saint-Georges. Donc, l'exposition « Élargir son territoire » de Carl Bouchard va se poursuivre jusqu'au 13 mars dans la Grande Galerie de l'Œil de Poisson. De retour après la pause audio, une pièce de Stanby, « The Tree of Napkins ». Alors, de retour à l'aérospatiale sur les ondes de CKRL, Jean-Tienne La France au micro. J'ai avec moi en studio Annie-Charles Antibodeau et Ludovic Bonnet. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Donc, Annie, tu as invité Ludovic Bonnet à venir pour nous parler de son exposition Profilage et protocole. En fait, l'exposition qu'il présente en duo à Regard. Peux-tu nous parler un peu de cette exposition-là? Oui, en fait, déjà le Centre Regard qui a choisi d'articuler sa programmation 2015-2016 autour de la sculpture a assuré le commissariat de l'exposition Profilage et protocole. Donc, on a les artistes Chani Tomassini et Ludovic Bonnet qu'on a avec nous ce soir. Puis bien que différente, en fait, la réunion des deux approches culturelles est ingénieuse, puis laisse place à un fort dialogue dans l'espace. Si on commence par un survol, en fait, du travail de Chani, rapidement, on rencontre qu'il se déploie en petites interventions, en fait, dans le lieu, que ce soit avec des traces à même les murs du centre ou avec des petits objets, tant poétiques que mystérieux, qu'on trouve au mur, au sol ou disposés sur ou contre des socles atypiques. Ces œuvres ponctuent puis accompagnent notre découverte de l'exposition. C'est des pièces qui se découvrent dans la minutie, dans le détail, dans la proximité, puis qui jouent beaucoup aussi avec les limites matérielles d'objets ou d'éléments qui nous sont connus. Donc, je pense ici, entre autres, à son empilade de petites pochettes qui ont l'air à la fois, en fait, gonflées comme un sac rempli d'air, mais aussi denses comme un objet coulé. Donc, sur un très haut et mince socle en bois, les pochettes accumulées subissent le poids de deux clous qui sont délicatement noués. Donc, l'artiste joue vraiment à transformer la présence, la matérialité qui est associée à des éléments familiers. Évidemment, c'est une pratique sculpturale qui révèle un savoir-faire indéniable, qui se trouve à être un fort lien aussi avec ton travail, Ludovic. bien que le tien se dévoile plutôt dans une autre échelle. En connaissant bien ton apport puis ta présence à l'art public au Québec, c'est vraiment sans surprise qu'on découvre des pièces plus colossales et qu'on se sent cohabiter avec elles dans l'espace. Si le travail de Chani se lit comme une suite de découvertes et de détournements, puis de traces qui appuient le parcours, le tien Ludovic se ressent puis s'impose comme une présence avec laquelle coexister en fait. Puis ce sont d'ailleurs des pièces réalisé avec des gabarits d'œuvres d'art public que tu nous présentes, Ludovic. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces œuvres-là, mais aussi du lien entre ta pratique en art public et puis les sculptures que tu présentes en salle d'artiste comme chez Regard? En fait, à Regard, présentement, j'ai deux sculptures. J'en ai une qui est composée de gabarits de résidus d'art public. Oui. Puis il y en a une qui est en pièces détachées d'une future sculpture. OK. Puis celle dont tu nous parles, qui est d'une future sculpture, c'est bien celle qu'on a à l'entrée, en fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? En fait, la composition de cette pièce-là nous rappelle aussi certaines autres œuvres d'art public qu'on a pu déjà voir avec les jeux de plan dense et puis de vide aussi. Ouais, en fait, j'aime beaucoup jouer avec le plein et le vide. Oui. Je l'utilise souvent. Puis avec des touches de couleurs. Celle-là est composée de cônes collés un sur l'autre en forme de jumelles, on pourrait dire, puis ouais, empilés après sur des tréteaux avec des petites ficelles colorées qui traversent de port en port. Ça ressemble à ça. Oui, puis ça, okay, ça peut nous rappeler un petit peu. En fait, moi, ça me rappelait entre autres Debout devant l'océan que tu as en fait à cette île, une œuvre d'art public. Puis justement, ce contraste-là des plans qui sont très, très denses, puis des ouvertures et des vides, ça nous donne accès un petit peu à des données plus intimes de l'œuvre aussi. C'est des passages, ça nous force à nous rapprocher, je crois, pour essayer, oui, de voir s'il n'y a pas une autre manière d'interagir avec l'œuvre que juste la regarder de loin. Puis au vernissage aussi, c'était intéressant parce qu'on pouvait se coller l'oreille dessus, puis ça déformait tous les sons de la pièce. Il y avait vraiment ce jeu-là. Ouais. C'était non plus visuel, mais il y avait aussi une expérience audio qui s'ajoutait à l'œuvre. C'était assez... On reconnaissait plus les conversations en écoutant au travers de l'œuvre. Oui, c'est vrai. Puis un autre élément aussi qui est important, je trouve, de souligner entre la démarche de Chani puis la tienne, c'est qu'en fait, on voit que la démarche de Chani Tomassini laisse une grande importance au processus de création, aux épreuves puis aux recherches en atelier. Puis j'ai eu vraiment l'impression qu'on pouvait voir cette sensibilité-là aussi dans ton travail à travers le détournement de certains objets, c'est-à-dire qu'on voit que tu utilises certains outils qui doivent inévitablement te servir plutôt pour leur fonction lorsque tu travailles en atelier, qui sont là plutôt utilisés comme des éléments formels. L'autre sculpture que tu nous présentes, par exemple... qui est une sculpture colossale avec deux grands disques gabarits en métal qui sont réunis par des madriers coincés dans le profilage, puis un grand nombre de serres en tissu qui sont déroulées jusqu'au sol avec des couleurs vibrantes et saturées. On vient vraiment oublier la fonction, en fait, de ces outils-là, puis on les apprécie pour leur qualité visuelle. Est-ce que tu dirais que ces choix-là se placent avec intuition lors de ta production en atelier? En fait, c'est... Ils sont là aussi de manière à soutenir l'œuvre, oui, parce que si on les enlève, ça s'effondre. Oui. Donc soutenu, coincé, assemblé. Là. C'est plus d'une accumulation de choses qui mènent à mon but d'avoir fait des ronds avec ces gabarits-là. Oui. J'ai été obligé d'utiliser les courroies parce que je voulais prendre quelque chose de temporaire, flexible. Okay. Puis à la fois amener de la couleur sans utiliser de peinture ou d'autres choses, je voulais des couleurs de matériaux. Donc c'est pour ça que j'ai pris les courroies. Puis les couleurs qui sont choisies, c'est parce que c'est ce qui est disponible dans ce, oui, format-là. Puis ça fait vraiment un lien, en fait, visuel aussi avec l'autre sculpture qui est à l'entrée où tu mentionnais les petites ficelles, en fait, qui sortent. Donc on a ces lignes-là qui se retrouvent dans l'espace et puis qui se réunissent dans ton travail. Puis en fait, mais l'art public, comme on l'a déjà mentionné, qui est une grosse partie en fait de ta carrière, comme c'est une forme d'art qui s'insère puis qui s'installe dans des lieux communs, puis qui propose en fait des œuvres qui vont être habitées puis parcourues pour de nombreuses années, comment tu sens que ce bagage-là dans ta carrière peut influencer tes interventions dans un lieu d'exposition, plutôt pour l'attention particulière que tu portes à la présence du visiteur? On mentionnait que c'est vraiment des œuvres aussi qui se vivent, qui deviennent une expérience, qui ont une présence très très forte dans l'espace. C'est ça, l'intégration à l'architecture, ça te force à réfléchir à l'espace. Oui. Comment déranger ou pas déranger les gens. L'impact de l'œuvre sur les gens. Il y a un paquet de contraintes aussi, sécurité, machin, truc chouette. Tu réfléchis beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'espace, puis à comment les gens vont circuler autour, qu'est-ce qu'ils risquent d'apercevoir. Faut que tu réfléchisses aussi aux lumières. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte lors de la réalisation. Donc ça, quand on transpose ça dans une galerie, ça donne ça. Merci beaucoup Ludovic Bonnet, merci Annie-Charlotte Thibaudeau d'être venue en studio pour nous parler de cette exposition donc Profilage et protocole qui est présentée jusqu'au 20 mars au Centre d'artistes Regard à Lévis, de retour après la pause audio avec Andréane Lesage. Alors, de retour à l'aérospatiale. Bonsoir, Andréane Lesage. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu es allée voir l'exposition Gaspésie Humanless, une exposition qui est présentée à la Galerie Michel Guimont, une exposition de photos. Oui, tout à fait. Donc, c'était le vernissage dimanche dernier. Ça lançait l'exposition qui va se poursuivre d'ailleurs jusqu'au 13 mars. Et donc, ce projet-là, Gaspésie Humanless, c'est le travail de Guillaume Dessir et Yana Ouellette qui s'est échelonné. En fait, un projet d'envergure là, qui a duré 5 ans. Ça rassemble 3 projets distincts, je pense. Ben en fait, ça s'est construit au fil du temps, justement, mais c'est vraiment un projet à part entière qui est divisé en 3 parties. Mm-hmm. Mais il y a une très grande cohésion, je dirais, au sein de ces 3 parties-là. Donc, c'est effectivement un projet photographique, mais il y a aussi un film qui a été fait dans le sens où c'est les images qui défilent et il y a une trame sonore qui a été composée par Yana Ouellette pour accompagner, justement, le défilement là, des photographies qui composent les 3 parties de l'œuvre. Donc, c'est un projet, c'est ça, qui a duré de 2010 à 2015, qui regroupe, il y a eu des centaines de photos de prises. Évidemment, c'est une sélection qui est actuellement présentée là à la Galerie Michel Guimont. Et donc, ces 3 parties-là, finalement, se détaillent dans un certain ordre. La première partie, donc, c'est une... c'est la première idée aussi qui est venue aux artistes. Donc, Guillaume, lui, est originaire de la Gaspésie. Il voulait documenter un peu cette région-là. Aussi, bon, il y a un intérêt, évidemment, pour c'est un travail de mémoire, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parcouru une grande boucle là, de Sainte-Flavie à Sainte-Flavie, donc 800 kilomètres sur la 132, pour répertorier toutes les maisons abandonnées, en fait. Donc, ils ont systématiquement arrêté la voiture à chaque maison qui semblait désertée. Puis, ils ont photographié une vue d'ensemble et aussi, ils sont approchés à certains détails là, d'architecture qui ont été photographiés, même des intérieurs, tout ça. Donc, ça, c'est pour la première partie, finalement. Et c'est vraiment un inventaire. Hein. C'est pour ça qu'il y a des centaines de maisons de photographies. C'est vraiment aussi la partie la plus volumineuse de ce projet-là. Et bon, ensuite, ils se sont intéressés plutôt à l'arrière-pays de la baie des Chaleurs. Donc là, il n'y avait pas vraiment d'inventaire en tête. Ils sont vraiment partis en se disant, on va s'intéresser plutôt à ce que je dirais des lieux publics. Par exemple, ils ont photographié des écoles abandonnées aussi, mais des usines, donc des résidus industriels, de la machinerie abandonnée, tout ça. Il y a vraiment une couleur plus... post-apocalyptique, je dirais, là, à cette section-là, la deuxième partie. Tandis que la première, on est plus un peu dans la nostalgie, tu sais, les maisons qui étaient habitées. Il y a quelque chose de plus, plus poétique, moins science-fiction, tu sais. Dans le traitement aussi, il y a une espèce de vignettage flou qui vient... Il y a un choix photographique très intéressant qui a été fait. Il y a une lentille spéciale qui a été utilisée pour la première partie qui crée effectivement un flou, comme sur les côtés. Ça crée plusieurs impressions, comme une impression d'apparition, comme si la maison, finalement, nous apparaissait dans le paysage. Il y a comme un effet de mouvement aussi associé à ça, donc, et un aspect un peu fantomatique, là, oui. Tu sais. Puis ça peut rappeler aussi une espèce de transcription de la vision humaine, où c'est toujours le centre qui est le foyer de l'attention, alors que le champ périphérique nous apparaît toujours un peu flou. Tout à fait. C'est vraiment aussi là-dessus qu'il voulait se centrer, pas nécessairement le paysage comme tel, mais les habitations, finalement. Donc, ça met l'accent sur ces architectures-là aussi. Puis, c'est pas du tout ce qu'on a dans la deuxième partie. Là, c'est un traitement photographique très net. On voit que, justement, les objets comme, par exemple, là, les machineries ou les résidus industriels sont vraiment... pris sur leur bel angle, je vous dirais, dans le sens où ça fait vraiment sculpture moderne pour certaines compositions. Là, il y a des jeux de symétrie, des jeux même de couleurs. Tu sais, on voit que c'est pas retouché. Là, c'est vraiment de la photo. C'est réaliste, mais on voit que l'œil des photographes justement est très très aiguisé parce qu'ils nous choisissent des angles qui transforment un peu finalement ces objets-là qu'on pourrait que c'est des déchets, mais ça devient très, très beau, finalement. Une monumentalisation dans ce traitement, un peu de frontalité, une espèce de rigueur aussi dans la prise de vue. Tout à fait. Ces objets sont transformés en quelque chose de beau, alors que c'est des déchets, comme tu dis, hein. Il y a de la rouille, beaucoup, beaucoup de rouille. C'est vraiment des choses qui sont laissées à l'abandon. Oui, oui. Tout à fait. Donc, c'est une belle transformation dans la partie 2. Et les artistes, en fait, ont expliqué, là, parce que c'est un projet quand même qui a justement déjà quelques années de vie, donc ils ont expliqué que la troisième partie est née d'un constat, en fait. C'est que les deux premières parties parlaient un peu, tu sais, de lieux désertés, mais qui c'était des traces humaines dans le paysage, mais on voyait pas justement d'humains associés à ça. Donc, ils se sont questionnés. Qui a vécu dans ces maisons-là? Qui a travaillé dans ces usines ou ces écoles-là. Et finalement, ils ont décidé de ramener l'humain dans le projet en faisant en troisième partie des portraits d'habitants de la Gaspésie. Donc, des gens qui ont habité ces maisons-là, finalement, et travaillé aussi dans ces lieux-là. Donc, qui ont connu un autre paysage que ce qui nous est montré aujourd'hui. Et c'est très, très touchant. Je pense que les artistes ont réussi à amener une dimension nouvelle à ce projet-là en incluant ça. Quelque chose, justement, bon, de très humain. De plus intime aussi. De plus intime, oui, parce que c'est des personnes âgées qui sont photographiées. Puis, c'est pas nécessairement des gens qui étaient, tu sais, volontaires, là, je dirais. Il y a eu un travail plus sociale, sociologique, une approche vraiment plus personnelle qui a dû être faite par les artistes pour pouvoir créer ces portraits-là, parce que ben c'est des gens ordinaires, finalement, qui comprenaient peut-être pas la nécessité d'avoir leur portrait de façon aussi officielle et professionnelle. Mais justement, on voit en fait ces portraits-là sont accompagnés de photos de leurs photos, comme une petite mise en abîme, finalement. Les artistes les ont questionnés sur leur passé, leur ont demandé de leur montrer des souvenirs, justement, de cette vie-là d'autrefois. Et petit à petit, on sent que ces gens-là se sont ouverts aux artistes, puis ont voulu partager. Aussi, il y a un sentiment de fierté qui se dégage des portraits, parce que, justement, ils posent avec leurs souvenirs, avec ce qui a été des moments forts de leur vie. On voit des photos de mariage, un homme en habit militaire, tout ça. Donc, il y a vraiment comme... c'est pas du tout triste là comme série, même si justement ça parle du passé, il y a quelque chose de fort et de beau finalement dans ces portraits là. Et puis cette série là est en noir et blanc également, oui. Alors que les deux autres volets, si on veut, de l'exposition sont en couleur, même si il y a très peu de couleurs, c'est des couleurs qui sont très monotones, des touches de couleurs ici et là, souvent la température est assez nuageuse, alors qu'ici on a des photographies, les portraits sont en noir et blanc, des photographies de photographies en noir et blanc, on est vraiment dans le passé, mais aussi un traitement un peu plus contrasté. Oui, ben je sais qu'il existe des portraits en couleur aussi, mais choix pour l'exposition, c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. Mm-hmm. Puis aussi, ben c'est ça, c'est peut-être parler un peu de la sélection de photos. Hein. Oui. Il y a 28 photos en tout qui sont présentées, et il y a vraiment une grande partie qui est occupée par les maisons, une plus petite là par la deuxième et la troisième partie, mais l'équilibre est quand même intéressant parce que ça représente aussi un peu la quantité de photos qui a été prise à la base là dans ce projet-là. Peut-être mentionner aussi qu'il va y avoir le lancement du livre Gaspésie Humanless, donc qui contient les photos du projet. Ce sera le samedi 12 mars à la galerie Michel Guimond, et l'exposition se termine le lendemain. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps d'ici là de vous rendre, ben c'est comme de faire une pierre deux coups finalement, de vous présenter au lancement. Et aussi, il existe beaucoup justement d'informations sur ce projet-là qui est un peu difficile à résumer en 10 minutes. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique culturelle, visionner finalement le petit film qui a été fait où on voit les artistes parler du projet. Donc ça s'appelle Gaspésie Humanless, terre d'adoption, terre de refuge, terre d'exilés. Et il y a évidemment les sites de la galerie Michel Guimond et le site de l'artiste Guillaume Dessire. Donc c'est le www.guillaumedessire.com. Alors merci beaucoup Andréane Lesage, tu nous as très bien résumé tout ça. alors moi je m'occupe de vous laisser avec un extrait de la pièce Vanra pour une courte pause audio. Thank you. Alors, c'était un extrait de la sélection audio de Simon Roy qui nous proposait cette semaine l'artiste Stan B, qui est basé en Ukraine et qui nous fait une espèce de musique électro alliant le style ambient et down tempo. Donc, très belle sélection que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet au www.laérospatialecrl.wordpress.com. Je vais vous faire un petit rappel des événements de la semaine. Demain, et après-demain, après-après-demain, donc le 24, 25 et 26 février, le spectacle Entre du Théâtre Rue d'Ingénierie, dont nous avons parlé en début d'émission, sera présenté à 19h30 à la salle Multi. Et également au studio d'essai dans le cadre du mois multi, le spectacle Installation Là de Lino, dont le vernissage aura lieu demain à 17h. Mercredi le 24 février aura lieu la table ronde sur le collectionnement au Québec, présentée par notre chère co-animatrice Audrey Caro, donc au Musée national des beaux-arts du Québec. Vos réservations sont requises si vous voulez assister à l'événement qui aura lieu à 19h. Le jeudi 25 février aura lieu le lancement du numéro 146 de la revue Les Écrits, donc qui constituera un hommage à Don Darby à 17h30 à la Maison de la Littérature. Également une conférence de Boris Nielsoni à 16h au lieu. Et je vous rappelle que la conférence de Chantal Neveu qui devait avoir lieu à l'édifice de la Fabrique est annulée. Vendredi, le 26 février, il y aura une performance de Sonia Pachurotia qui présente le résultat de sa résidence Sentier Sonore à la Chambre Blanche à 17h. Également, le vernissage à 17h chez Engram de l'expo Bénéfice Extra Large. Et également, à la galerie Pêche Sherpa aura lieu le vernissage de l'exposition Personne, Personne de Benoît Genet-Rouillé. Et c'est la dernière semaine pour aller voir Migration de Stephen Conford qui va se terminer le 26 février, présenté dans le Hall de Méduse. Et vous avez jusqu'à samedi pour aller voir Urban Terrarium d'Alison Moore au Cercle. En attendant, Barda Bunga, pardon, de François Quévillon dans la vitrine de Manif d'art et l'exposition Lever le voile présentée par Fanny Bouchard au pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. Vous allez retrouver toutes ces informations et la balado-diffusion de l'émission sur notre page web au www.laérospatialecrl.wordpress.com. J'aimerais remercier nos invités Bruno Bouchard et Ludovic Bonnet de s'être déplacés ici en studio pour venir nous parler eux. Un gros merci également à nos collaborateurs Simon Roy, Julien Saint-Georges, Annie-Charlotte Thibodeau et Andréane Lesage, ainsi que Jacques Gignac à la mise en onde. Et le plus précieux des merci à ma co-animatrice Audrey Caro. Je cède le micro à Pierre Blais pour son émission Situation critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20$ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25$ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-radioton et le prix spécial membership. Objectif 40 000$. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e avenue entre 9h et 17h30 par téléphone au 418-640-2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Ce mercredi 24 février 20h au Grand Théâtre, l'Orchestre symphonique de Québec vous propose un programme grandiose avec Jacques Lacombe qui dirigera la majestueuse symphonie numéro 5 de Prokofiev. Une soirée où vous découvrirez aussi les lauréats du concours en concert avec l'OSQ, avec Charlotte Paradis à l'alto et Thierry Perron au piano. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison. La musique noire. Le 26 février à midi, afin de souligner le mois de l'histoire des Noirs, Midi Jazz propose une rencontre entre Webster et Gilles Chaumel. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. Regarde ce que t'es devenu. Un homme invisible. Un coup de vent. T'ouvres la porte puis on te voit plus. Rendez-vous doux avec Corias. Le thème de l'album, c'est autour de la recherche d'approbation puis du narcissisme. Encore une bonne raison pour rapper dans le mic. Des fois c'est l'enfer, mais ça c'est dans tête. Les gens sont sédentaires, les deux pieds poignés dans terre. On fait des moves comme des géants pour être légendaires. Qu'est-ce qui peut être pourri un peu pour les artistes, là, l'amour de soi puis vouloir se faire dire qu'on est bon. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. En février, le cinéma Le Clap accueille les familles. Voyez dès maintenant Le Petit Prince, Belle et Sébastien 2 et Avril et le Monde Truqué et Phantom Boy dès le 26 février. Du 26 février au 6 mars, ne manquez pas la 5e édition du FCEQ. Profitez de nos forfaits cinéma en famille comprenant entrée et combo à partir de 20,95. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. That was the way it was supposed to be.